dans un univers défiant notre conception des mesures, et pourtant depuis longtemps les cosmologistes et autres cosmographes cherchent à cartographier cette immensité. Depuis l'an dernier, un pas de géant a été franchi avec la carte en trois dimensions proposée dans le cadre du programme SDSS et qui a repoussé les limites de nos représentations de l'univers tout en apportant sa contribution aux recherches portant sur des énigmes aussi vastes que l'énergie sombre ou la vitesse de l'expansion de l'univers. À peine ce pas de géant franchi, le futur se profile déjà avec des cartes en quatre dimensions. La cartographie de l'univers, on peut s'en réjouir, vit donc sans doute en ce moment un âge d'or. Cartographie de l'univers vers la quatrième dimension, c'est le programme à grande échelle qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de cette cartographie de l'univers, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Marc Bonnet-Bideau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien au département d'astrophysique du CEA et vous êtes l'auteur de 4000 ans d'astronomie chinoise paru chez Belin. Nous sommes également en compagnie d'Étienne Burtin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien à l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers, l'IRFU. Mais avant d'entamer cet itinéraire cosmographique, il est l'heure de retrouver celle qui a un sens de l'orientation infaillible dans l'étendue immense de l'actualité scientifique. Il s'agit de Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Antoine. Et on commence ce journal avec non pas une, mais deux études parues aujourd'hui dans la revue Astronomy and Astrophysics. Deux études où sont observées avec une précision unique la région proche de Sagittarius A étoile. Sagittarius A étoile, le trou noir supermassif au centre de notre galaxie. C'est la première fois que l'on observe avec un si haut niveau de détail son environnement. Une équipe internationale a utilisé l'instrument Gravity, l'interféromètre du VLT, du Very Large Telescope au Chili. Alors dans le premier article, les chercheurs ont étudié les étoiles qui sont au plus près de notre trou noir. Et ils ont même identifié une étoile qui n'avait jamais été observée auparavant. Une étoile de faible luminosité qui a été baptisée S300. Et dans le deuxième article, les chercheurs ont utilisé ces informations sur les trajectoires de ces étoiles pour déterminer de façon plus précise ce que l'on sait de ce trou noir. Ils ont ainsi pu affiner sa masse, qui fait 4,30 millions de fois celle du Soleil, et sa distance, qui se trouve à 27 000 années-lumière de nous. Guy Perrin est astronome à l'Observatoire de Paris et directeur scientifique adjoint de l'Institut National des Sciences de l'Univers. Il est le co-auteur de ces études. On n'avait pas vu de niveau de détail de ce type-là jusqu'à présent, pour une raison assez simple. C'est que là, on est au plus près de l'objet central, et il faut ce que l'on appelle des données ou des observations faites avec un haut niveau de résolution angulaire, c'est-à-dire la capacité de détecter des objets de très petite taille. Lorsque vous observez avec un télescope, même les plus grands télescopes actuels, hein, qui font 8 mm, en fait, quand vous êtes aussi près que ça de Sagittarius à étoile, vous ne voyez qu'une espèce de magma lumineux, si vous voulez, sans pouvoir dire ou sans pouvoir distinguer les objets individuellement. Avec l'instrument Gravity, donc qui couple 4 télescopes de 8 mètres pour en faire un interféromètre, on fait converger la lumière de tous ces télescopes vers un point central de leur combinaison, ça produit des interférences lumineuses, et de ces interférences lumineuses, on tire ces observations. Et en fait, l'avantage de faire ça, c'est que ce pouvoir de résolution, en fait, il est augmenté dans le rapport de la distance maximale entre les télescopes par rapport au diamètre d'un télescope unique. Donc, on gagne à peu près un facteur 20. Vous voyez, donc, on a une précision, une qualité d'image 20 fois meilleure, et ça permet de passer d'un blob à une image résolue en étoile où on voit les étoiles individuellement bouger. Mais qu'est-ce que l'on apprend plus précisément quand on regarde avec un tel niveau de précision les étoiles qui orbitent autour de Sagittarius à étoile ? Les premières choses que l'on apprend, c'est on apprend à mesurer comme ça les trajectoires de ces étoiles. Voilà. Là où on n'aurait pas pu le faire avant avec un télescope unique aussi près du trou noir. La deuxième chose, c'est qu'il y a un phénomène dit de confusion. Quand vous avez une résolution angulaire insuffisante, en fait, la luminosité des étoiles brillantes bave sur les objets moins brillants. Et du coup, vous ne pouvez plus détecter ces objets moins brillants. Et en fait, avec cette augmentation de résolution, en fait, on réduit cette confusion lumineuse et on peut détecter comme ça les objets moins brillants. Alors, ce qu'on apprend ensuite, eh bien, c'est que, augmentant le nombre d'étoiles donc, que l'on suit sur leur trajectoire autour de Sagittarius à étoile, on est capable de faire des tests plus précis en fait de la nature de l'objet central et des tests plus précis aussi de relativité générale près d'un trou noir supermassif. Et comme chaque jour, vous pouvez retrouver ces études et les suivantes sur notre fil Twitter @laméthodefc. Vous pouvez réécouter ce journal et toute l'émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Et on passe au bref. Hier, le ministre de la Santé britannique a annoncé que le variant Omicron représentait désormais près de 40% des nouvelles infections de Covid-19 à Londres. Oui, il se propage à une vitesse phénoménale, je cite. Le variant Delta reste largement majoritaire à travers le monde, mais selon l'Organisation mondiale de la Santé, Omicron est maintenant présent dans 63 pays. Alors pour le moment, nous manquons encore de données sur son éventuel échappement thérapeutique, mais selon l'OMS, il semblerait que les anticorps des personnes vaccinées ou infectés par le Covid-19, ne soient pas suffisants pour le neutraliser. L'OMS ajoute, même si la sévérité des cas de Covid-19 associés à Omicron venait à être moins importante que pour le variant Delta, nous prévoyons que les hospitalisations augmentent du fait de sa transmissibilité accrue. En bref, toujours, selon une étude parue dans la revue de Cryosphère, le glacier Thwaites pourrait s'effondrer dans les 10 ans. Mais le plus grand glacier du monde est aussi prénommé le glacier de l'Apocalypse car il est considéré comme une bombe à retardement climatique. Il soutient l'ensemble de la calotte glaciaire de l'Antarctique et s'il s'effondre, cela risque de déclencher un effondrement plus vaste de glace, ce qui représenterait une montée des eaux de plus de 3 mètres, de quoi mettre en danger des villes comme Londres ou New York. Hier, lors d'une réunion de l'American Geophysical Union, les chercheurs ont présenté de nouvelles données, des observations satellitaires et sous-marines. Les eaux océaniques chaudes, qui circulent sous la banquise, attaquent le glacier et on observe de nouvelles fissures, en dessous mais aussi à sa surface, où elles recouvrent presque tout le plateau. Cet ensemble de fissures est susceptible de se briser dans les 5 à 10 ans. Et enfin, les chercheurs du Monterey Bay Aquarium Research Institute ont filmé une étrange créature aquatique, le Macropina microstoma. Et cette créature est aussi connue sous le nom de poisson à œil de baril. Au large de la Californie, à 800 mètres de fond, dans l'obscurité des profondeurs, les chercheurs ont rapporté des vidéos de ce poisson rare qui possède une tête bulbeuse et transparente. C'est tubulaire, ses deux gros yeux verts, légèrement sur l'arrière, peuvent voir à travers sa propre tête translucide et à travers sa propre bouche. Ils peuvent ainsi repérer la moindre petite proie. Pour naviguer dans les eaux noires, ce système oculaire est tout à fait unique. Merci beaucoup, Natacha. On vous retrouve demain pour le Journal des Sciences. C'est le fruit d'une collaboration de centaines de scientifiques à travers le monde qui a demandé 20 ans de travail. La plus grande carte en 3D de l'univers jamais réalisée. Voici notre galaxie dans laquelle s'insère notre système solaire. Progressivement, elle ne devient qu'un infime point lumineux dans un ensemble de plus de 4 millions de galaxies et de quasars, des galaxies superlumineuses. Les scientifiques sont remontés jusqu'à 11 milliards d'années en arrière pour parvenir à cette carte. Elle montre qu'à un certain moment, l'expansion de l'univers s'est accélérée en raison de la présence d'énergie noire, un élément invisible qui s'intègre à la théorie générale de la relativité d'Einstein, mais dont l'origine n'est pas encore comprise. Une carte qui repousse encore un peu plus les limites de la compréhension de l'univers. Voilà, les limites ont été repoussées par cette dernière carte en trois dimensions de l'univers. Mais avant d'en parler, Jean-Marc Bonnet-Bideau, j'aimerais comprendre d'où nous vient ce besoin de cartographier l'univers. Et est-ce qu'on a une date de la première carte de l'univers à ce jour? Alors, on a une date de la première carte. Elle est de l'an 650 de notre ère. Mais le plus important, je pense, c'est de rappeler combien l'astronomie est une science. Alors, elle a deux caractéristiques. Elle est universelle et éternelle. C'est-à-dire universelle, c'est-à-dire que tout le monde a fait de l'astronomie sur l'ensemble de la Terre. Et éternelle, c'est-à-dire on a fait de l'astronomie à toutes les époques. Donc en fait, ça nous crée un fil un peu de continuité entre le chasseur de la grotte de Lascaux, l'astronome du Moyen-Âge qui a fait cette carte, et les astronomes du futur qui feront d'autres cartes. Donc c'est ça qui est intéressant dans la cartographie, parce que la cartographie, elle répond à quelle question? Elle répond à la question « Où sommes-nous dans cet univers ?» Et donc ça sera éternel. Et en fait, on n'a toujours pas de réponse, donc on continue à se poser cette question. À quoi elle ressemble cette carte chinoise de l'an 650? Alors c'est une carte complète des étoiles visibles dans l'hémisphère nord. C'est une carte qui a été faite à Pékin. Et donc, en fait, des étoiles visibles à l'œil nu. Mais alors, la particularité de cette carte, c'est que, je vais vous rappeler une chose qui est peut-être pas évidente pour tout le monde, mais faire une carte du ciel, ça n'est pas du tout évident. Parce qu'il s'agit de faire une carte de quelque chose en trois dimensions, qui est une sphère, sur un plan qui est donc à deux dimensions. Et pour faire ça, vous pouvez vous amuser, vous pourrez éventuellement dessiner une petite constellation dans un coin, puis une autre dans un autre coin du ciel, mais au moment où vous voudrez les mettre en rapport les unes avec les autres, vous ne pourrez pas, sauf si vous adoptez une méthode particulière qu'on appelle une projection mathématique. Et cette carte nous a révélé qu'en l'an 650 en Chine, on a été capable d'adopter une méthode de projection. Et si vous voyez la carte, alors la carte c'est un long parchemin, enfin c'est pas un parchemin, c'est du papier justement, parce que le papier a été inventé en Chine au premier siècle de notre ère, il n'est intervenu qu'au 13e siècle en France, enfin en Europe. Et donc cette carte est un long rouleau de papier de 20 cm sur 2 mètres de long, et elle se présente exactement comme nos cartes modernes. Un planisphère de la Terre, si on veut regarder, vous avez une partie rectangulaire qui suit l'équateur, au nord et au sud. Puis après, pour compléter, parce que les distorsions sont trop grandes vers le nord et vers le sud, vous avez deux cartes circulaires qui vous représentent la position des pôles. Eh bien, cette carte, elle n'a pas l'hémisphère sud, mais elle a la partie rectangulaire centrée sur l'équateur céleste, cette fois-ci, et la partie ronde qui est le côté qui est sur le pôle nord. Ce qui est très touchant dans ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que finalement, que ce soit en l'an 650 ou en 2020, la cartographie de l'univers répond aux mêmes besoins de nous situer, nous en tant que petits terriens dans cette immensité-là. Alors on n'aura pas le temps malheureusement aujourd'hui de faire une émission de carte d'histoire de la cartographie de l'univers, mais si on fait un petit saut entre l'an 650 et 2020, un petit saut je dis bien, quelles sont en gros les grandes étapes qui ont été franchies pour parvenir à cette carte en trois dimensions de l'univers ? Je pense que la première des révolutions a été l'invention de la photographie. Parce qu'effectivement, auparavant, c'était qu'une reproduction à l'œil, alors qu'on a pu faire des documents. Photographie, ça veut dire impression de la lumière. Et on a, avec l'aide, la photographie est inventée en France, en plus, en 1830. Et très, très vite, on fait un projet qui s'appelait, un projet qui est phénoménal d'ailleurs, s'appelait le projet de la carte du ciel. En 1887, à l'Observatoire de Paris, il y a un amiral, l'amiral Mouchet, qui décide de mettre tous ses astronomes à construire cette carte, mais avec des tas de pays au monde, parce qu'il fallait effectivement couvrir l'ensemble du ciel. Et il se dit, en 5-6 ans, on peut faire la cartographie du ciel en photographie et un catalogue. Donc c'est les tout débuts, et ça s'est fait en France, en fait. Malheureusement, la carte du ciel n'a jamais abouti réellement, parce qu'il fallait construire des instruments dans tous les coins de la planète. Ensuite, la guerre de 14 est arrivée. Mais la photographie a révolutionné cette cartographie de l'univers, puisqu'il était possible de conserver, effectivement, une carte très très précise, puisqu'elle était imprimée sur des plaques photographiques. Donc ça, c'est une étape fondamentale. La deuxième étape, je pense, c'est que quand on est passé de la deux dimensions, c'est-à-dire d'un ciel plat, à la troisième dimension, c'est-à-dire à la distance des objets. Donc ça, c'est la deuxième révolution, finalement. Et on va creuser, bien évidemment, cette deuxième révolution cosmographique. Avant cela, Étienne Burtin, il n'est peut-être pas inutile non plus de rappeler qu'à ce jour, nous ne connaissons pas encore la structure globale de l'univers. Pour quelles raisons on ne connaît pas cette structure ? Alors, on ne connaît pas la structure de l'univers. On en connaît quand même une bonne partie. Donc, alors, on ne peut pas tout mesurer encore les galaxies de l'univers. Avec la carte qu'on a faite, on a mesuré 4 millions de galaxies dans l'univers. Alors que dans l'univers observable, on estime qu'il y en a entre une cinquantaine, 100 milliards. Donc, on a mesuré qu'une toute petite partie. Donc, en fait, on a fait ce qu'on appelle un sondage de galaxies, un relevé de galaxies. Et à partir de ce relevé de galaxies, on va essayer de comprendre les propriétés global de l'univers. C'est ça qu'on va faire. On arrive à extrapoler, du coup, vous êtes malin, vous autres, donc vous extrapolez, vous proposez des modèles. Quel est le modèle globalement admis de structure globale de l'univers ? Donc le modèle global admis, c'est un modèle d'univers en expansion, un univers qui serait composé de matière, la matière ordinaire telle qu'on la connaît, la matière qui fait les chaises, les tables, d'une matière qu'on appelle matière noire, qui est une matière dont on ne connaît pas la nature, qui interagit pratiquement uniquement par gravitation. Et dans le modèle d'univers admis qui reproduit au mieux les données aujourd'hui, il faut rajouter cette fameuse composante d'énergie noire dont on a tous entendu parler et qui explique l'accélération de l'expansion de l'univers. Et qui donne quelle allure globale à cet univers-là ? Quelles sont la répartition de ces structures-là, pardon. Alors, ça dépend de l'échelle à laquelle on regarde. Si on regarde très très loin, on voit un univers qui a l'air globalement homogène. Si on regarde à l'échelle des distances entre les galaxies, on commence à voir un univers qui ressemblerait un peu à la structure d'une éponge, avec des sortes de filaments, des sortes de petites enveloppes. C'est ça l'univers qu'on voit quand on regarde à l'échelle de la distance entre les galaxies qui vont être pas si éloignées les unes des autres. D'une certaine façon, Jean-Marc Bonnet-Bidault, l'univers ressemble un petit peu à des bulles à savon avec des filaments et puis des concentrations de matière à certains endroits, cette matière étant des galaxies, des amas de galaxies. Oui, c'est très intéressant parce que c'était inattendu. C'est-à-dire que je me rappelle qu'effectivement, c'est dans les milieu des années 80, enfin la fin des années 80, que deux astronomes américains, John Ukra et Margaret Geller, ont produit la première carte d'un mur de galaxies qui faisait 500 millions d'années-lumière de long sur seulement 15 millions d'épaisseur. Et on s'est aperçu que ce mur de galaxies très probablement enfermait un vide. Finalement, la matière s'était déjà coagulée dans des filaments. Et ça, comme le disait Étienne, c'était pas attendu puisqu'on pensait que l'univers, à ces échelles-là, était déjà assez homogène. Et donc, en fait, ça a fait changer l'état d'esprit, d'où sont nées ces simulations numériques, justement, au moment où on a pu les faire, parce que dans les années 80, on pouvait pas les faire, et on a essayé de reproduire cette structure en bulle. On parle de cosmic web, la toile cosmique, une toile d'araignée, comme ça, dans laquelle, effectivement, des murs de galaxies enserrent des vides. Mais écoutez, maintenant qu'on a planté un petit peu... Ah, Étienne Bertin, vous souhaitez réagir? Oui, non, je voudrais dire, c'est fascinant quand on regarde ces fameuses simulations d'univers. Donc, on prend un univers dans lequel il y a des inhomogénéités, mais qui sont à très très grande échelle. Et on va laisser, dans ces simulations, agir la gravité. Mm-hmm. Et on voit arriver, on peut trouver ça sur Internet, des animations, on voit arriver naturellement, juste par l'effet de la gravité, cette forme avec des filaments et des sortes de cette forme spongieuse, comme on disait tout à l'heure. Et on va partager sur le fil Twitter l'une de ces animations, parce que c'est vrai que c'est assez hypnotique. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. On en arrive à présent à cette plus grande carte 3D de l'univers qui nous a été proposée l'an passé par un conglomérat de chercheurs. On va peut-être, Étienne Burtin, rappeler un petit peu comment on a pu établir d'un point de vue technique cette carte-là. En quoi a consisté la collaboration qui a été baptisée Sloan Digital Sky Survey, le SDSS? Voilà, alors on va reprendre juste la fin de la dernière phrase de Jean-Marc tout à l'heure. C'est qu'il faut mesurer cette troisième coordonnée, qui est la distance à laquelle se trouve l'objet astrophysique qu'on étudie. Donc pour mesurer cette troisième coordonnée, on va mesurer ce qu'on appelle le spectre de la lumière qui provient de cet objet. Et le spectre de la lumière, il va être décalé vers les plus grandes longueurs d'onde. Ce décalage, il a deux sources. La première source, c'est la vitesse de l'objet elle-même, qui fait un décalage comme l'effet Doppler. La deuxième cause de ce décalage, c'est l'expansion de l'univers. L'expansion de l'univers, elle va étirer les distances, et donc elle va étirer la longueur d'onde. Et donc la longueur d'onde qu'on va mesurer, cette valeur qu'on va mesurer en laboratoire, on va la comparer sur Terre, on va la comparer à une valeur de référence, si en effet elle a mesuré le même élément chimique, et on va mesurer ce décalage. Et ce décalage, il va porter en lui l'histoire de l'expansion de l'univers qui a agi sur les distances. C'est-à-dire qu'un simple décalage vers le rouge nous permet d'acquérir cette troisième dimension, d'acquérir cette vision de la profondeur de l'univers. Voilà, exactement. Alors ce qu'on veut faire, c'est une carte avec 3,4 millions d'objets, sachant qu'il faut 1h30 pour mesurer le spectre d'un objet. Vous pouvez faire le calcul, un programme de 20 ans, ça tient pas. Et donc ce que les gens se sont dit, c'est qu'on va faire un programme digital, Sloan Digital Sky Survey, où on va mesurer les spectres de façon avec un capteur CCD, qui est comme un appareil photo, mais en fait on va mettre selon une coordonnée la galaxie, des différentes galaxies, et selon l'onde coordonnée, on va avoir le spectre de chacun des objets. Et donc avec le Sloan Digital Sky Survey, on a pu passer les objets en 1h30, on en prenait 1000 par 1000. Jean-Marc Bonnet-Bidault, ce SDSS, il comporte beaucoup de sous-entités, de sous-unités. On va se concentrer aujourd'hui sur l'une de ces deux unités, BOSS et IBOSS, qui ont conduit à la production de cette carte de l'univers en 3D la plus riche jamais établie. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par le commencement? Quelle était l'idée de départ du relevé BOSS, BOSS pour Baryon Oscillation Spectroscopic Survey? Alors oui, c'est le point délicat de la technique, c'est-à-dire d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on essaye de mesurer. Alors pour comprendre ce qu'on essaye de mesurer, il faut revenir à ce qui s'est passé dans le début de l'univers. On n'est pas tout à fait au début, puisque la matière est déjà créée, la lumière est déjà créée. Simplement, la température est tellement élevée qu'elles interagissent complètement entre elles, et la lumière, par conséquent, ne peut même pas sortir de la matière. C'est à ce moment-là que se créent des oscillations, des inhomogénéités, enfin, elles sont déjà là, mais elles se sont amplifiées, de densité. Il y a des pics et des creux. Hein. Et puis, comme quand vous lancez un caillou dans l'eau, ben, vous avez effectivement une succession de pics. Si vous mesurez à ce moment-là la distance entre deux pics, vous avez la longueur typique de l'oscillation. C'est ça qui va nous servir par la suite. Parce qu'après, à 300 000 années à peu près, on va vous dire, depuis le début de l'expansion, il se passe quelque chose de particulier. Les électrons, il y avait des électrons, des noyaux, des électrons et des photons qui sont la lumière. Les électrons vont se combiner au noyau pour former vraiment des atomes, et la lumière va être libérée. Donc c'est là que se crée d'ailleurs la première lumière de l'univers, le fond diffus par ailleurs cartographiée. Ouais. Et depuis de ce moment-là, matière et lumière vont être complètement indépendantes. Donc la lumière ne viendra pas perturber ces inhomogénéités que vous aviez mesurées. Et qu'est-ce qui viendra les mesurer? Eh bien simplement la gravité qui est toujours là, et l'expansion. Et un certain nombre de paramètres cosmologiques règlent cette variation des distances typiques au cours de l'âge de l'univers. Et ce que mesure IBOS, c'est à différents âges, cette longueur typique, et comme ça dépend de quoi? Des paramètres cosmologiques, c'est H0, la constante de Hubble, c'est-à-dire le taux d'expansion, c'est la vitesse de l'accélération, l'intensité d'accélération, c'est la quantité de matière noire, éventuellement baryonique. Donc voilà, c'est un certain nombre de paramètres qui sont en nombre fini. Et donc l'idée de IBOS, c'est de mesurer ces paramètres cosmologiques à l'aide de cette variation des longueurs caractéristiques des oscillations au cours de l'âge de l'univers. Voilà. Peut-être qu'on peut préciser un petit peu quand même, là on parle d'oscillations acoustiques baryoniques, Étienne Burtin, que vient faire l'acoustique dans cet univers réputé pourtant très très silencieux. Voilà. Donc en fait, acoustique, une onde acoustique dans un studio comme ici, c'est des ondes, ce qu'on appelle les ondes de compression. Au fur et à mesure que le son se propage, il y a compression de la matière. Et après que l'onde est passée, il y a un étalement. Et cette compression de la matière, c'est ce qui va venir toucher notre tympan. Là, ce qui se passe, c'est que dans le plasma primordial, les ondes de compression, il y a des ondes de compression de matière qui se propagent de la même façon. Et ces ondes de compression vont créer un moment, quand la lumière se découple de la matière, l'onde de compression correspond à une compression et donc à une surdensité. Et c'est donc parce qu'il y a cette surdensité que c'est un lieu où vont préférentiellement se former les galaxies. Et donc, cette onde a voyagé un certain temps, elle donne une petite surdensité supplémentaire là où vont se former des galaxies, et en mesurant la distance entre les galaxies, on va pouvoir retrouver cette distance, mais surtout voir comment elle évolue au cours de l'expansion de l'univers. Est-ce qu'on peut parler pour ces ondes, ces oscillations acoustiques baryoniques, de sorte d'empreinte finalement un peu primitive d'une interaction entre la matière et la lumière qui serait restée et dont on peut tirer une information? Alors moi, j'aimerais comprendre comment on tire une information cartographique de ces oscillations-là, Jean-Marc Bonnet-Bidot. Alors là, c'est une étude statistique, effectivement, comme l'a dit Étienne, il faut un certain nombre d'objets, parce qu'effectivement, pour mesurer la distance caractéristique d'écart entre des galaxies, il faut un grand nombre de galaxies pour voir apparaître qu'effectivement, il y a une grandeur caractéristique donnée. Et donc, ça veut dire que, comme on veut le faire à différents âges de l'univers, il faut le faire en classant les galaxies par leur distance, puisque plus elles sont loin, plus on remonte le temps, et faire une espèce de découpage comme ça, en tranches de l'univers, pour remonter son histoire. Et à chaque fois, on a une information particulière des paramètres cosmologiques. Étienne Burtin, ça a abouti cette étude. Alors, BOSS, c'était un peu l'ancêtre de IBOS. On peut peut-être dire, voilà, qu'est-ce qui a changé avec IBOS rapidement? Quelle mise à jour a été réalisée? Oui, alors c'est même l'ancêtre, c'est même pas le bon mot. En fait, BOSS, c'est une partie du programme. En fait, dans ces relevés cosmologiques, on a un certain temps d'observation. Et donc, on va choisir les objets dont on va mesurer le spectre. Donc on commence par des relevés à deux dimensions sur lesquels on doit faire des choix sur quels sont les objets qu'on va mesurer. Et donc, dans le programme BOSS, on a choisi de mesurer les objets les plus faciles à mesurer. Et c'est ce qui a été fait dans le programme BOSS, qui permettait de sonder l'univers jusqu'il y a à peu près 6 ou 7 milliards d'années. C'était quoi ces objets? C'était des galaxies rouges, oui. Très lumineuses. Le projet IBOS, le E de IBOS, c'est juste Extended, extension du programme BOSS. Donc on utilise le même instrument. Et là, le relevé, il s'est focalisé sur trois types de traceurs astrophysiques, on appelle les quasars, qui permettaient de regarder l'univers tel qu'il était il y a 12 milliards d'années. C'était une partie importante du programme. Les galaxies à raie d'émission, c'est des galaxies bleues qui sont en train de faire de la formation d'étoiles. Ce projet, il était intéressant parce qu'il était précurseur du programme DESY, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Oui. Et aussi, mesurer des galaxies rouges a un décalage spectral un peu plus grand que celle de Hibbs pour compléter le programme. À partir de cette extension-là, à partir de Hibbs, du coup, Jean-Marc Bonnet-Bidot, on arrive à cette carte en trois dimensions de l'univers, la plus complète jamais réalisée. Qu'est-ce qu'elle nous montre? Jusqu'où elle va? Voilà. Est-ce que vous pourriez nous la, non pas la dérouler, puisqu'elle est en trois dimensions, mais est-ce que vous pourriez nous la décrire? Je pense que là, ce qui est spectaculaire, c'est le gain dans la profondeur, hein, de la distance, finalement, parce qu'on atteint des distances de 11 milliards d'années. Évidemment, il y a plusieurs éléments. Il y a les quasars et les galaxies, donc on n'a pas tout à fait les mêmes limites. Mais c'est cette possibilité d'aller remonter très loin qui a fait la qualité du projet, en fait, parce que, évidemment, qu'on veut avoir des données précises, même pour les objets les plus lointains, pour pouvoir contraindre ces fameux paramètres cosmologiques. Quelles informations ça nous apporte déjà sur ces objets très lointains et pourquoi ces objets très lointain dans l'histoire de l'univers nous intéresse-t-il particulièrement? Alors, je pense que on peut pas les caractériser individuellement comme le fera peut-être le JWST, le James Webb Télescope. Dont on attend, parce bien que sûr. Il va se concentrer sur un certain nombre d'objets. Là, c'est une étude statistique. Je pense qu'Étienne pourra le décrire aussi. Tout à fait. Oui, ça, c'est. Chaque objet, il est fascinant. Chaque quasar, par exemple, est fascinant. Mais pour nous, c'est un point dans notre carte. Dans la masse. Oui. Et en fait, les quasars, leur intérêt, c'est que c'est les sources les lumineuses les plus brillantes du ciel. Et de ce fait, ça nous permet de remonter dans l'univers le plus lointain possible. Est-ce qu'on peut, question un petit peu de comptoir, mais où est-ce qu'on peut placer le point? Vous êtes ici sur cette carte. Est-ce que c'est une question pertinente? Pas du Alors, tout. Alors, non, j'imagine. Mais toute question est pertinente. On est toujours au centre de notre horizon. C'est le principe de l'observation astronomique. L'observation astronomique, elle est comme ça. Alors, elle est comme ça parce que l'univers, il est homogène, isotrope. Donc ça, c'est quelque chose qui est vérifié régulièrement dans les données, par exemple, du satellite Planck, dans les données des relevés comme le nôtre. Alors, on a toujours ça à une certaine précision. On essaie toujours de vérifier ce principe d'homogénéité, d'isotropie de façon la plus précise possible. Mais notre univers, il nous apparaît comme le même dans toutes les directions, et comme l'univers, d'après nos modèles, il a un âge fini, qui est 13,8 milliards d'années, on se trouve au centre de cet univers visible, donc ce qu'on appelle notre horizon. Je le dis depuis le début de cette émission, Jean-Marc Bonnet-Bidot, on n'a jamais été aussi loin dans notre représentation de l'univers et de l'univers primordial, et ça c'est important puisque Hibbs nous renseigne sur un paramètre qui est l'accélération de l'expansion de l'univers. Qu'est-ce que ça nous permet de mettre en évidence, ou en tout cas d'affiner dans cette compréhension de la complexe expansion de l'univers? C'est assez compliqué quand même. C'est-à-dire, il faut bien voir que là, on n'a pas à faire vraiment. On parle de mesures. Alors, ces paramètres cosmologiques, par exemple la constante Hubble ou la quantité d'énergie sombre qui irait dans l'univers, sont donc des paramètres qu'il faut mesurer. Mais c'est pas une vraie mesure que l'on fait dans le cas des oscillations. On prend un modèle avec un certain nombre de paramètres, déjà on les trie, donc, et ensuite on essaie toutes les valeurs de paramètres possibles, enfin Étienne me complétera possible, jusqu'à arriver à une bonne solution, si vous voulez. C'est complètement différent de quelqu'un qui ferait des mesures, par exemple, de distance, pour mesurer la constante, et qui, avec son décamètre, mesurerait effectivement la distance de cette galaxie, l'autre galaxie. Là, il fait vraiment une mesure, puis après, il tire les conclusions. Et on parlera peut-être, parce qu'effectivement, les deux méthodes donnent actuellement des résultats un peu différents. Bien sûr, c'est l'un des grands casse-têtes. Et je pense que c'est un problème important de la cosmologie, et qui ne se résout pas, donc ça veut dire qu'il est encore plus important que l'on ne croyait. On rappelle donc que cette constante de permet finalement de mesurer la vitesse d'expansion de l'univers et que les cosmologistes arrivent à deux mesures différentes, quoique assez proches, mais cette différence suffit à créer pas mal d'ennuis. Étienne Burtin, quelle place vient occuper cette cartographie de l'univers-là, justement dans ce débat, non pas un débat, mais dans ce... Oui, non, c'est ici, il y a débat. Dans ce débat. Donc oui, la mesure que nous on fait avec le relevé SDSS, on a donc mesuré l'expansion de l'univers à différentes époques. Et pour pouvoir recaler cette expansion de l'univers à différentes époques par rapport à la mesure aujourd'hui, on utilise les données du satellite Planck, ou alors les données de ce qu'on appelle la formation des noyaux dans l'univers primordial. Et avec le satellite Planck ou la formation des noyaux et les données de SDSS, on a une mesure de la constante de Hubble, qui vaut 68 en unités qui sont des kilomètres par seconde par mégaparsec, c'est-à-dire qu'un mégaparsec, c'est 3 millions d'années-lumière à peu près, qui veut dire que deux galaxies séparées de 3 millions d'années-lumière s'éloignent l'une de l'autre à 68 kilomètres par seconde. Alors, les galaxies à cette distance-là, en fait, elles sont plus liées par des mouvements de gravité, mais c'est la constante de Hubble qui est valable dans l'univers. Et donc, les mesures qui sont faites à partir de l'univers local, donc en utilisant les propriétés, on commence par les parallaxes des étoiles, puis on compare les parallaxes aux mesures de chandelles standards, puis on va regarder les chandelles standards dans d'autres galaxies, et avec ça, on a une autre mesure. En fait, on a plusieurs autres mesures. On a une mesure qui est celle dont on parle le plus souvent, qui est celle des données avec les étoiles de type variable céphéide, qui vaut aux alentours de 73 dans ces unités. Et récemment, il y a une autre technique qui utilise ce qu'on appelle les étoiles des géantes rouges. Et avec les géantes rouges, on obtient plutôt 70, toujours dans ces unités-là. Donc on a d'un côté 68, pendant longtemps on a eu ce 73, maintenant on a ce 70. Le problème reste complètement ouvert. Tout le monde travaille à affiner ces données. Ça, c'est pour les expérimentateurs, comme moi. Et les théoriciens, bien sûr, et tout le monde est friand de dire, si on a une différence entre ces deux mesures, quelles pourraient être les causes physiques de cette différence? Ces causes physiques, l'énergie sombre entre pour beaucoup dans la vitesse de l'expansion de l'univers, ou bien je dis une... L'énergie sombre n'est pas suffisante parce qu'en fait on mesure la même chose. Donc les deux sont la conséquence de l'énergie sombre. Pour pouvoir comprendre ces différences, il faut rajouter des théories. Et notamment une des théories qui est assez en vogue en ce moment, c'est de dire que avant l'émission du fond diffus cosmologique, vu que nous, on utilise les données du fond diffus cosmologique, il faut dire que la physique, elle n'était pas comme on l'avait prévu. Et donc, il faudrait imaginer une seconde énergie noire qui apparaîtrait que dans l'univers primordial. C'est-à-dire qu'il y aurait eu deux familles d'énergie noire selon que l'on se projette à 11 milliards d'années ou à 6 milliards d'années-lumière, Jean-Marc Bonnet-Bidon. Alors, moi, effectivement, je suis assez prudent et j'ai plutôt tendance à voir le verre à moitié vide que le verre à moitié plein dans la cosmologie moderne, pour des raisons historiques. J'ai fait beaucoup d'histoire des sciences, donc j'ai vu beaucoup les erreurs se perdurer parce qu'on voulait absolument tenir à quelque chose. Cette différence est quand même assez... Alors, on peut essayer d'être optimiste, comme essaye de le dire Étienne, c'est-à-dire de dire, avec des efforts, on va arriver à la même valeur. Je ne pense pas que ça soit la solution, parce que ça, quand même, ça dure depuis un certain nombre d'années. J'ai pas dit ça. Donc, on peut être en désaccord là-dessus, d'ailleurs, effectivement. Donc, je pense que c'est assez essentiel. Et alors, il faut s'imaginer que la constante de Hubble, ce serait comme la masse du proton pour la structure de la matière. Si vous le changez, ça paraît pas beaucoup, de 5%, 10%, mais c'est énorme par rapport au bras de levier que ça a dans tout. Donc, c'est quand même quelque chose... D'ailleurs, c'est pas par hasard qu'on se pose la question d'essayer de le résoudre physiquement. Alors, maintenant, moi, je serais très, très prudent si on me dit, on va encore rajouter... Parce que, regardez quelle est la cosmologie moderne, si vous voulez. Si vous êtes physicien qui n'est pas dans la cosmologie, même peut-être pas dans l'astrophysique, on vous fait un modèle de l'univers, mais on connaît que 5% de ce qu'il y a dans l'univers. Alors, on dit déjà, attention, on a déjà rajouté la matière noire, on a déjà l'énergie noire. Si maintenant, on vient nous rajouter une autre énergie noire qui aurait existé éventuellement avant la recombinaison, on se dit, dans quoi on va? Donc, c'est ça un peu mon point de vue. Je pense que c'est... Étienne. Non, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Marc. Je disais, les théoriciens... Cette possibilité-là est une possibilité. Une éventualité qui est mise sur la table. Si on en revient à cette cartographie et cette carte de l'univers, si on se plonge un petit peu dans son détail, Étienne Burtin, qu'est-ce qu'elle nous montre, notamment sur la distribution des grandes structures et des galaxies dans cet univers? Alors, dans le relevé IBOS, on ne s'est pas trop intéressé à cette structure en filament. On s'est vraiment beaucoup plus intéressé à ces paramètres cosmologiques de l'univers. Il y a différents projets qui essayent à caractériser cette structure en filament. Notamment les travaux de l'équipe d'Hélène Courtois autour de... Oui, voilà. Les travaux de l'équipe d'Hélène Courtois, c'est dans l'univers qui est très proche. Je ne connais pas exactement les noms, mais je dirais que c'est les 50, 100 millions d'années-lumière. Oui, c'est à peu près 300, 400 millions d'années-lumière. Voilà, 300, 400. Pour nous, c'est l'épaisseur du trait comparé dans notre système solaire par rapport à l'univers. Nous, les objets qu'on regarde, c'est entre 1 milliard et 12 milliards d'années-lumière. Et c'est tout à fait complémentaire, parce que les travaux dont on parle, proches, quand on caractérise où sont la matière, où est la matière, comment sont la vitesse les objets bougent, comment sont orientées leurs vitesses, on a toute la dynamique. Et donc, dans ces travaux-là, on peut vraiment tester la relativité générale dans notre univers local. Donc, c'est des travaux très intéressants. Et vous-même, comment vous avez contribué justement à cette cartographie-là en trois dimensions? Alors moi, j'ai contribué j'ai travaillé dans l'analyse des données. J'ai commencé par encadrer une étudiante, Pauline Zarouk, qu'on va entendre. On entendra dans le reportage tout à l'heure. Les travaux de Pauline Zarouk. Je travaillais principalement sur les quasars. Donc ça, c'était au début du projet IBOS. Et à la fin du projet IBOS, j'ai coordonné l'analyse de données qui a conduit à ces publications pour la nouvelle carte. Jean-Marc Bonnet-Bido, est-ce qu'on peut situer cette carte en trois dimensions proposée par le SDSS dans l'histoire, dans la longue histoire de la cosmographie, et quel tournant ça marque? Oui, alors ce qui me paraît intéressant, c'est de se rappeler quand même qu'est-ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire une carte de la matière visible. Donc, quand on sait qu'effectivement, il y a la matière noire, et la matière noire notamment, il nous manque encore la carte de la matière noire. Donc, on pourra peut-être parler de certains projets. Mais ensuite, après aussi, même quand on reste dans la matière ordinaire, si vous voulez, en fait, il faut pas oublier qu'en 1960, on est passé du noir et blanc à la couleur. C'est-à-dire que jusqu'en 1960, il y avait que la lumière visible pour explorer l'univers. Et puis en 1960, on envoie des satellites et détecte des rayons X, de l'ultraviolet, des rayons gamma. Et en fait, finalement, tout est à refaire à chaque fois. Si on veut se faire une vraie cartographie de l'univers, il faut refaire la cartographie de l'univers en rayons X. Alors moi, je me rappelle quand j'ai commencé ma carrière, j'ai travaillé sur le premier catalogue de sources à rayons X. Il y avait moins d'étoiles que dans la carte chinoise. Il y avait 300 étoiles à rayons X en 1960, 80, 85. Maintenant, avec le télescope XMM en orbite, on en a 600 000. Mais enfin, on est loin encore d'avoir tout cartographié. Après, on pourrait répéter, on détecte à l'heure actuelle des sources de très très haute énergie, hein. Et il faudra cartographier l'univers. Et à chaque fois qu'on a cartographié l'univers dans une autre couleur, on a eu accès à d'autres objets. L'astronomie des rayons X nous a fait découvrir les étoiles à neutrons, les trous noirs, autant de choses qu'on ignorait jusqu'à présent. Donc en fait, c'est ça qui est amusant, c'est-à-dire que on essaye évidemment, mais il y a un chemin énorme encore à parcourir. Eh ben écoutez, vous nous devancez un petit peu dans le programme de cette seconde partie. Restez avec nous, parce qu'après avoir posé cette carte de l'univers, on va voir qu'il reste encore pas mal de chemin à parcourir pour en repousser les limites, ce sera juste après ça. Cita par Andrea Laszlo de Simone dans la méthode scientifique sur France Culture. Nous plongeons tout au long de cette heure dans l'immensité de l'univers. Et pour ne pas nous perdre en route, nous ouvrons la carte avec nos invités. Jean-Marc Bonnet-Bido, astrophysicien au département d'astrophysique du CEA, auteur de 4000 ans d'astronomie chinoise paru chez Belin. Avec nous également, Étienne Burtin, physicien à l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers, l'IRFU. Il est temps à présent de se tourner vers le futur de la cartographie de l'univers. La poursuite des relevés du SDSS a déjà commencé sur un autre télescope. Il s'agit du projet DESY et c'est le sujet du reportage du jour. Bonjour Alexandra Delbault. Bonjour Antoine. Pour ce reportage, vous vous êtes rendu au laboratoire de physique nucléaire et de hautes énergies. Oui, j'ai rencontré Pauline Zarou, cosmologiste et chercheuse CNRS, qui travaille donc sur ce projet DESY. Donc DESY pour Dark Energy Spectroscopic Instrument. Cette collaboration de près de 600 personnes vise à déterminer comment la densité de l'énergie noire évolue avec le temps et comment elle affecte la formation des structures de matière, en réalisant notamment une cartographie 3D encore plus précise que la précédente. Et pour cela, les relevés sont effectués sur le télescope Mayall à l'observatoire de Kitt Peak en Arizona. Et plusieurs nouveautés ont été apportées à ce télescope, faisant de lui une usine à spectres, notamment 5000 fibres optiques, 5 fois plus que sur le précédent, et elles sont robotisées, ce qui permet de les repositionner en 2 minutes au lieu d'1 heure. Et ainsi, chaque nuit, on peut acquérir près de 150 000 spectres. Et sur les 5 années de relevés qui ont débuté à la mi-mai, cela représente plus de 35 millions de spectres, ce qui permettra de reconstruire l'histoire de l'expansion de l'univers sur 11 milliards d'années. Le projet DESY, il a commencé quand on était encore en train d'observer avec un télescope précédent qui s'appelait le SDSS. On avait un programme d'observation pour la cosmologie et on s'est rendu compte qu'avec ce programme, sa technologie ne permettait pas de cartographier tout le ciel et avec toute la précision qu'on voulait. Et donc, bien évidemment, on a réfléchi à la suite de ce programme d'observation en se basant toujours sur une stratégie d'observation qui est similaire. Et ce qui va changer avec DESY, c'est donc d'une part la technologie qui a été améliorée, et bien sûr la quantité d'objets astrophysiques qu'on va observer, et donc la précision qu'on va pouvoir atteindre sur des paramètres cosmologiques. Quels sont les paramètres, les effets cosmologiques qu'on va regarder ? Alors, il y a plusieurs choses qu'on va regarder. Donc, dans un premier temps, on va continuer de chercher à retracer l'histoire de l'expansion de l'univers. Et donc, là, ce qu'on va chercher à mesurer, c'est la vitesse à laquelle l'univers s'étend, ce qu'on appelle le taux d'expansion de l'univers. Et donc ça, c'est une première observable pour essayer de déterminer notamment si l'accélération de l'expansion de l'univers est la même dans le temps. Et la deuxième chose, c'est plutôt liée à la croissance des structures. Les structures évoluent, les galaxies donc s'effondrent sous l'effet de la gravité. Donc en mesurant ce paramètre cosmologique, on va pouvoir tester, disons, deux hypothèses. L'hypothèse plutôt de l'énergie noire comme composant exotique dans le contenu de l'univers qui serait responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers. Et de l'autre côté, l'approche plutôt qu'on appelle gravité modifiée, où on se pose la question, est-ce que notre théorie de la gravité, la relativité générale, est valable à ces échelles cosmologiques ? Et donc en mesurant la façon dont les structures se forment, la vitesse à laquelle les structures se forment, la croissance des structures, on peut tester la validité de la relativité générale et vérifier ou non si on a un bon accord entre les valeurs prédites par la théorie et ce qu'on mesure dans les données. On va observer ça avec le télescope Mayall qui est en Arizona. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu les nouveautés technologiques qui vont permettre de réaliser ce projet DESY ? Ce télescope, donc, il a donc son miroir principal de 3,8 mètres. Il contient dans son niveau de son plan focal 5000 fibres. On relie les fibres optiques aux spectrographes. Les spectrographes, ce sont eux qui vont aller décomposer le spectre de la lumière. L'analyse de ces spectres va nous donner deux informations. Le type d'objet qu'on observe, est-ce que c'est une étoile ? Est-ce que c'est une galaxie ? Si c'est une galaxie, quel type de galaxie c'est ? Est-ce que c'est une galaxie plutôt rouge, plutôt vieille, plutôt elliptique ? Est-ce que c'est une galaxie plutôt bleue, plutôt jeune, où il y a encore de la formation d'étoiles ? Est-ce que c'est un quasar, ce qu'on appelle des galaxies actives, avec un trou noir supermassif au centre ? Donc on va pouvoir classer les spectres en fonction des objets astrophysiques qu'on est en train de regarder. Et on va pouvoir déterminer la distance de la galaxie par rapport à nous, le long de la ligne de visée. Donc pour avoir cette information-là, il nous faut des spectrographes. Donc DESY, il utilise 10 spectrographes, et donc on a 3 bras pour décomposer le spectre de la lumière, un canal pour la partie plutôt bleue, un canal pour la partie plutôt rouge, et un canal pour la partie infrarouge. Et donc en fait, la nouveauté de DESY, elle est... Alors bien sûr, il y a eu des améliorations au niveau des spectrographes, il y a une contribution française très importante sur la fabrication et les tests des spectrographes, et on a... La nouveauté, elle est aussi beaucoup au niveau du plan focal. Donc, je vous ai dit que le plan focal, il y a 5000 fibres qui sont donc positionnées de manière robotisée. Ça, déjà, c'est différent par rapport aussi à avant, parce qu'avant, on avait plutôt 1000 fibres. Le plan focal, c'était 1000 fibres. Donc, il faut voir qu'à chaque fois qu'on observe, on observe 5000 objets d'un coup. Et on peut observer des objets différents. Différents, voilà. On peut observer différents types de galaxies. On peut observer des étoiles. Mais à chaque temps d'exposition, à chaque fois qu'on fait une exposition, on va récupérer le spectre de 5000 objets. Et donc c'est 5000 alors qu'avant c'était 1000. Et en plus, grâce à ces micro-actionneurs, donc ces petits robots qui déterminent où les fibres doivent se positionner, maintenant on est capable de positionner 5000 fibres en 2 minutes, alors qu'avant, les expériences précédentes, il fallait au moins 1 heure. Donc là aussi, c'est un gain en temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les 20 minutes, on obtient 5000 fibres. Et à peu près, par nuit, on peut observer, on peut faire à peu près 30 expositions. Donc on a par nuit à peu près 150 000 spectres d'objets, et donc notamment de galaxies. Donc ça, c'est vraiment une grande nouveauté avec DESY. C'est, on dit, une usine à spectres. Donc là, ce que vous allez obtenir, c'est des clichés qui vous donnent des informations et vous allez pouvoir refaire une cartographie 3D et tester différents modèles. Exactement, c'est exactement le terme. Donc on va, grâce à DESY, avec DESY, on va être capable de produire la carte en 3 dimensions de l'univers la plus précise, donc une cartographie des grandes structures de l'univers. Donc non seulement donc depuis l'univers local, proche de nous, donc jusqu'à un univers qui s'étend jusqu'à 12 milliards d'années-lumière. Et cette cartographie en 3 dimensions va nous permettre de contraindre avec une précision sans précédent l'évolution de l'expansion de l'univers, la théorie de la gravité, la relativité générale, et aussi d'autres paramètres. Mais on peut aussi en fait tester, par exemple, des scénarios qui sont liés à l'univers, au tout début de l'univers, ce qu'on appelle l'inflation, pour lequel on a des scénarios, mais donc bien sûr il faut tester nos hypothèses, et DESY peut aussi tester ça, même si c'est pas ses objectifs scientifiques premiers. En termes de délai, vous avez déjà commencé les premières observations. Sur combien de temps est-ce que ça va avoir lieu? Alors, on a commencé les observations avec DESY pour le relevé scientifique en mai dernier, mi-mai dernier. On a donc cette observation en continu pendant 5 ans pour obtenir les 35 millions de spectres à la fin. Voilà, le futur de la cartographie de l'univers est déjà en marche. Étienne Burtin, une réaction à ce que vous venez d'entendre avec votre ancienne étudiante en thèse? Ah, j'ai l'impression qu'elle est juste à côté, qu'on est en train de discuter du programme DESY. C'est vrai qu'on a la chance dans cette communauté. On avait un instrument qui nous a permis de mesurer la position de 4 millions de galaxies. Dans 5 ans, on en aura 40 millions. Ça, c'est le projet DESY. Il y a le satellite Euclide aussi qui va mesurer, qui va être lancé fin 2022, mmh. Qui va avoir un programme de science qui contient celui de DESY, mais qui en contient beaucoup d'autres. Et donc, on est vraiment dans une décennie dorée pour la cosmologie. Mmh. Et je suis vraiment heureux que les jeunes comme ça aient pu être recrutés pour pouvoir travailler avec nous. Jean-Marc Bonabidé, une réaction à ce reportage? Oui, moi j'ai une petite anecdote parce que j'ai eu la chance d'aller interviewer le successeur d'Edwin Hubble qui utilisait le grand télescope du Mont Palomar. En l'occurrence, il était plus grand que le télescope de DESY puisqu'il faisait 5 mètres au lieu de 4. Et qui me racontait qu'à son époque, dans les années 60, pour faire un spectre de galaxie, il passait plusieurs nuits. Parce qu'effectivement, il n'y avait pas assez de la plaque photographique n'imprimait pas comme le détecteur. Donc on a une progression énorme de la technologie et des détecteurs et des moyens d'observation. En revanche, on n'a pas du tout une accélération aussi évidente dans notre compréhension de l'univers. Parce qu'à l'époque, lui, Alan Sandage, il n'avait que 2 paramètres, la constante de Hubble et l'accélération de la constante de l'expansion. Et nous, on en a beaucoup plus. Et finalement, la compréhension ne s'est pas développée autant. En fait, il y a plus de questions maintenant qu'auparavant. Donc c'est assez amusant. amusant de la développement de la science, parce que c'est ce recul nous permet de voir que malgré toutes nos techniques modernes, on se heurte à beaucoup de choses. C'est hyper intéressant ce paradoxe-là, justement, c'est qu'on a une capacité technique maintenant d'observation qui est majuscule. On peut identifier, recenser un nombre d'objets dans le ciel bien plus important qu'avant, et pourtant, on se heurte toujours à des questions premières. Et peut-être que ça nous piège. Je pense que notre technologie, de temps en temps, peut nous piéger. Je pense beaucoup à ces études statistiques qui prennent beaucoup de temps et dans lesquelles, vraiment, la vision de ce qu'il en ressort, c'est très difficile à l'appréhender. Quand Sandage regardait une galaxie, il la voyait dans son télescope. Donc, on a perdu un peu le contact avec la réalité physique et avec la physique fondamentale. Ce qui, à mon avis, est le piège de la cosmologie moderne, qui est d'ordre statistique. Du coup, en fait, on teste des paramètres, on évalue des erreurs, mais en fait, on ne sait plus très bien ce qu'on cherche, en fait, finalement. Donc, en fait, il y a du bon et du mauvais dans l'accélération de la technologie. Et on pourrait dire de la même sur l'utilisation des ordinateurs. La simulation numérique, c'est un outil extraordinaire, mais on ne doit pas croire aux simulations numériques. Il faut les confronter à l'observation. Donc, en fait, voilà, on est dans un moment où il faudra maîtriser notre technologie pour pouvoir se poser les bonnes questions. Étienne Burtin. Oui, je pense que ce que veut dire Jean-Marc, c'est que on a un modèle cosmologique. Si on utilise les données du satellite Planck, on prédit les données de IBOS et la mesure qu'on a fait avec IBOS, elle est pile dessus. C'est un succès. Parce que IBOS vient juste une fois de plus confirmer le modèle de la relativité générale. C'est pile dessus. Seulement, et c'est intéressant, écoutez le discours du prix Nobel Jim Peebles à l'Académie Nobel en 2019. On a un modèle qui décrit de façon fantastique les données, mais pour lequel seulement 5% c'est de la physique connue. 5% de matière, 25% de matière noire, on ne sait pas ce que c'est. 70% d'énergie noire, on ne sait pas ce que c'est. Donc je pense que c'est ça que tu veux dire. Jean, exactement. Je suis toujours très très mal à l'aise dans notre façon de présenter les choses. On devrait être un peu plus humble d'une certaine façon en disant on fait le mieux possible avec ce qu'on a. Mais en fait, on est devant plus de questions. De temps en temps, j'ai l'impression que en cosmologie particulièrement, on raisonne comme si tout ce qui était à découvrir avait déjà été découvert. On ne provisionne pas le futur, finalement. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que quand on regarde les données du satellite Planck, par exemple, donc Planck, il a mesuré ce qu'on appelle en température, la fluctuation de température, et quand on regarde la fluctuation sur la polarisation, c'est rigoureusement sur les points sont rigoureusement sur le modèle. Donc le modèle, il décrit d'une façon quasiment indécente les données. Donc c'est vrai que ça conduit peut-être ce que tu dis. Et parce qu'on est aussi malheureusement contraint par un phénomène, c'est qu'on est contraint à l'observation dans le domaine du visible. Alors on parlait à ce micro il y a quelques semaines d'ondes gravitationnelles, du potentiel aussi de ces ondes-là pour comprendre notamment la période entre le Big Bang et le fond diffus cosmologique. Est-ce qu'il y aurait un fond diffus d'ondes gravitationnelles? Ça, c'était des questions un petit peu qu'on s'était posées à ce micro-là. Si on revient un petit peu à notre question, Étienne Burtin, de la cartographie de l'univers. Vous évoquiez donc le satellite Euclide qui va être lancé par l'Agence spatiale européenne. Est-ce que vous voyez d'autres grands projets qu'il faut souligner qui vont s'atteler justement à cette cartographie oui, alors, et à son évolution? Vous veniez de parler d'ondes gravitationnelles. Ce qui est vrai, dans le reportage, Pauline disait, on essaye de voir est-ce que il y a des modifications à la théorie de la gravité ou est-ce que cette énergie noire, c'est un fluide de nature différente. Et en fait, avec les ondes gravitationnelles, il y a eu une détection d'ondes gravitationnelles où il y a eu en même temps le signal gravitationnel et en même temps donc le signal électromagnétique. Et ça, en fait, ça a permis de... il y a toute une série de théories de modification de la gravité qui pouvaient expliquer ce qu'on observe, qui ont quand même été mises de côté grâce à ça. Donc je disais tout à l'heure, une décennie dorée, on a parlé du satellite Euclide, qui va donc mesurer... en regardant comment la forme des galaxies est déformée, les galaxies sont en arrière-plan, la lumière des galaxies, elle passe au travers du champ de matière, et en fait, il y a des petites déformations qui apparaissent sur la forme des galaxies, et ça peut être mesuré de façon statistique, et on peut apprendre sur la distribution de matière entre ces galaxies d'arrière-plan et nous. Il y a d'autres relevés qui vont arriver, qui vont aller mesurer, faire des techniques assez similaires à DESY, avec de l'infrarouge, ça c'est pour la moitié. Le Rubin Observatory, je crois. Alors il y a aussi le Rubin Observatory. Donc là c'est un télescope qu'on appelle c'est un photométrique, donc avec un relevé à deux dimensions. Alors deux dimensions, c'est pas complètement vrai parce que avec différents filtres, on peut mesurer on a une idée du décalage vers le rouge, quand même avec une précision qui n'est pas si mauvaise et qui permet de faire de la cosmologie de façon précise. Et donc les mesures de fond diffus cosmologique, là, il y a des projets en cours de construction, de réalisation. Et donc, la fin des années 2020 et 2030, on sera sur une décennie où il y aura encore un afflux de données du point de vue du fond diffus cosmologique. Et fin des années 2030, il y a, par exemple, le satellite, la constellation de satellites LISA, qui va mesurer des ondes gravitationnelles avec un système de satellites en orbite. J'avais lu aussi que le radiotélescope géant SKA aussi allait s'atteler à... J'en oublie, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, on a vraiment un âge d'or de la cosmologie. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses à apprendre et c'est formidable. Et Jean-Marc Bonnet-Bideau, j'évoquais en introduction de cette émission une quatrième dimension qui allait être intégrée à cette cartographie de l'univers. Quelle est cette quatrième dimension et pourquoi est-ce qu'on va chercher à intégrer cette quatrième dimension qui est en l'occurrence le mouvement, la vitesse? Oui, je pense que ça rejoint ce dont on a parlé tout à l'heure là, de cette découverte en fait du mouvement des galaxies proches, le fameux Lagnacéen, qui veut dire univers immense en langage hawaïen, et qui était le fait qu'on a décorrélé le mouvement d'expansion générale des mouvements particuliers des galaxies. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, on ne s'est pas encore posé la question est-ce que l'univers tourne? Parce qu'en fait, on a très peu d'informations sur ce qu'on appelle les vitesses transverses de ces astres. Mmh. Ça se déroule trop lentement pour nous. Donc un jour, on aura peut-être cette dimension-là. Et à ce moment-là, on verra effectivement l'univers en constant mouvement et non pas simplement en expansion. Ce sera très intéressant, effectivement, parce que ça nous donnera une autre dimension. C'est cette fameuse quatrième dimension qui est donc la vitesse réelle dans l'espace des galaxies, pour lesquelles on a assez peu d'informations, puisqu'on les regarde toujours par rapport à leur mesure de décalage à la rouge, c'est-à-dire juste une visée dans une direction en profondeur. Donc, les Lagnacéens, c'était intéressant, parce que ils ont quand même... il y a tout un débat de savoir comment les galaxies proches et les entourent, enfin, quand même, ça fait quand même plusieurs centaines de millions d'années. Donc, nous et la galaxie d'Andromède, c'est 2 millions d'années. Donc, vous voyez, quand même, on a pas mal de galaxies dans notre univers proche de cet amas. Et on s'est aperçu qu'effectivement, elles paraissent aller vers un certain point qu'on a appelé le grand attracteur. Donc, qui est effectivement une forme d'étonnement. Parce que pourquoi? Alors, est-ce que c'est sans... On pense que dans la cosmologie, pour alimenter dans ces filaments, il y a aussi des courants de galaxies dans les filaments. Et elles peuvent peut-être converger. Donc, on est en train de découvrir la dynamique de l'univers, en fait. Mais alors, là, on est vraiment, comme on disait tout à l'heure, dans un univers tout à fait proche. Parce qu'il n'y a pas assez d'informations, sinon, pour l'ensemble... conséquent. Étienne Burtin, vous qui vous intéressez non pas à ce menu fretin de la proximité, mais aux grandes structures de l'univers, est-ce que la quatrième dimension, c'est quelque chose dont vous rêvez la nuit? Tout à fait, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Pauline, elle le dit dans son interview. En fait, on peut déceler ces effets de vitesse quand on regarde la distribution des galaxies. On les voit. Et donc, en fait, c'était le sujet de la thèse de Pauline, c'est regarder comment ces effets de vitesse vont modifier la fameuse répartition des galaxies. On a tous fait l'expérience, quand on jette un objet, Newton sous son arbre, la vitesse de l'objet nous renseigne sur la gravité. C'est aussi simple que ça. Et donc, en regardant comment la distribution des galaxies est déformée, par ces effets de vitesse, on peut tester la gravité. On espère qu'on voyagera tous dans la quatrième dimension très prochainement. Merci beaucoup à tous les deux, Jean-Marc Bonnet-Bideau et Étienne Burtin, de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Un grand merci également à vous toutes et tous qui nous écoutez chaque mois un peu plus nombreuses et nombreux. La méthode scientifique a passé, selon les résultats de Médiamétrie de novembre, les 2 millions d'écoutes et téléchargements en ligne. Ça nous fait donc très très chaud au cœur. Merci beaucoup. Un grand merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Alexandra Delbo, Céline Lozen, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Mariam Ibrahim, Loïc Dutoit, Natacha Triou, Nicolas Martin. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Arthur Dumont. La méthode scientifique, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France, et ça, c'est à l'infini.